Le quartier où j'habite est situé dans un no man's land, avec des terrains de sport autour. Malgré le vert des terrains de foot et le rouge des terrains de basket, le gris domine tout. Il y a un tas de maisons identiques, nos voisins, et pile au milieu, celle où je vis avec mes parents et mon frère. No man's land, ça veut dire une zone qui n'appartient à personne. Mais il ne faut pas se fier aux expressions toutes faites, surtout quand elles viennent d'une langue étrangère. À 20 minutes à vélo, le long de la nationale, il y a le cube. C'est un immeuble en verre qui ne porte aucune inscription. Ses vitres, toujours closes, reflètent indéfiniment le ciel et les véhicules qui fusent sur l'autoroute. Personne ne sait ce qu'on fait dans le cube. Personne, sauf ceux qui y travaillent. Mon oncle Hector, par exemple. À force de me demander ce qu'il fabrique, jour après jour, dans son cube, j'ai fini par le découvrir. Ce n'était pas très difficile. N'importe quelle collégienne pourrait en faire autant. N'importe quelle fille comme moi, en explorant les parages avec son vélo et en allant surfer sur le net. Le cube abrite les services de renseignement de mon pays. Je veux dire, de ma patrie. Autrement dit, le cube est un nid d'espions. Ça tombe bien. J'ai toujours voulu être une espionne. Enregistré en public le 30 janvier 2015 au Théâtre du Quartz à Brest, dans le cadre du festival Longueur d'onde et en partenariat avec la SACD, Les oreilles rouges de Stéphane Michaka avec Suliane Brahim de la Comédie Française, bruitage Bertrand Amiel. Trois heures de train m'ont éloigné de chez moi et emmené vers l'ouest, dans le deuxième port du pays. C'est la première fois que j'éprouve un tel sentiment de liberté. Voyager seul et savoir tout le long du trajet qu'une mission m'attend au bout du quai. Ça me donne des ailes. Je suis tellement excitée que je n'ai pas cessé d'ouvrir et de refermer la revue que j'ai achetée dans un kiosque. L'Atlas des mondes émergents, ça s'appelle. J'y ai lu que, bientôt, chaque objet qui transite de par le monde sera équipé d'une puce électronique. On pourra le localiser, prendre sa température, mesurer sa résistance et un tas de trucs dont on n'a pas idée. Pareil avec les humains. À ma descente du train, au pied du wagon, il y avait Karen, une femme envoyée par le cube. Mon oncle Hector m'avait prévenu que j'aurais affaire à elle. Karen m'a reconnue au premier coup d'œil. Je me suis demandé si je portais pas une puce électronique sans le savoir. Elle m'emmène au buffet de la gare, commande un café très noir et moi une grenadine. C'est elle qui parle la première. Tu t'appelles Roxane ? Roxane du Tilleul, c'est bien ça ? Oui. À 10 ans, tu as changé de prénom. D'où elle le sait ? Tu n'aimais pas t'appeler Ève ? Je préfère Roxane, je réponds, c'est plus solide, ouais. Tu t'appelles Roxane et tu es une solide jeune fille de 14 ans. J'aimerais bien qu'elle ne parle pas à ma place, mais tout ce que je trouve à dire, c'est... Et vous ? Karen, je suis ton agent référent pour cette mission. Référent ? Ça veut dire qu'on va se retrouver une fois par semaine dans cette gare, même jour, même heure. Et tu me raconteras, elle plonge ses yeux dans les miens, tout ce que tu auras vu et entendu. J'essaie de cacher mon excitation. Les espions entre eux doivent prendre un air blasé. Et je demande. Ma mission, elle a un nom de code. Karen recule sur sa chaise. J'y ai pas pensé, tiens. Vous dites quoi, d'habitude, quand vous espionnez? Elle fait. Prononce jamais ce mot. On pourrait t'entendre. Tu es une collégienne recrutée comme travailleuse saisonnière. Tu vas passer le mois de juillet dans un hôtel qui s'appelle l'Éclipse. La patronne, Madame Lambry, je glisse. Tu as retenu le nom, c'est bien. Madame Lambry ne sait rien de toi. Une amie d'amis t'a recommandé à elle, en te décrivant comme une fille solide, travailleuse et discrète. C'est dans tes cordes ? Je bafouille. C'est mon premier boulot d'espion. Je m'interromps in extremis. Assez perdu de temps. Tu es attendu à 11h. Je me lève pour sortir. Tu vas où comme ça? Récupérer mon vélo? Et tu prends pas le sac? Le sac que j'ai laissé à tes pieds? Un sac en craft, avec à l'intérieur ce qui ressemble à une boîte à chaussures. Je l'avais pas vu, mais je soulève d'un air blasé. Même jour, même heure, dit Karen. Et n'oublie pas, solide, travailleuse et discrète. Je fais oui de la tête et je m'éloigne. Qu'est-ce qui m'a pris de dire que c'est mon premier boulot d'espionne? Faut que j'apprenne à être moins naïve, à montrer que je ne crains pas les missions délicates. Même quand on me fixe avec des yeux de... De quoi au juste? Je n'ose pas me retourner, je sens le regard de Karen peser sur ma nuque. Mon agent référent a des yeux de serpent, ouais. Des yeux de cobra enfouis dans sa peau sèche et dure comme de l'écaille. J'aimerais bien lui ressembler. Et me voilà, roulant à travers la ville, ou plutôt à travers le port. Dans le genre No Man's Land, cet endroit est pas mal du tout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombes allemandes en ont fait une table rase, la boule à zéro. Depuis, ça a repoussé, tout droit. Les rues sont perpendiculaires, comme des carreaux sur un cahier d'écolier. Des tours et des barres en béton armé se dressent en plein centre-ville. C'est curieux, j'ai l'impression que les façades grises réfractent du rose. Des gouttes s'écrasent sur mes joues. On dirait qu'ici, la pluie a un goût différent, plus métallique, comme si elle traversait l'océan à bord des conteneurs empilés sur les quais. Je lappe la pluie du bout de la langue et je me réjouis d'être loin de mes parents. Mes parents qui me lancent des regards noirs quand je dis que je veux être espionne. Loin d'eux et de mon frère, ce faillot à qui ils ont donné la meilleure chambre. Celle d'où je voulais espionner nos voisins. Ouais, il était temps que je me tire. Dommage que ce soit juste pour un mois. L'Eclipse est un hôtel-restaurant situé près des docks. Il semble tourner le dos à la plage et donne sur le chantier naval. Pas idéal pour attirer les clients, surtout en juillet, sous une pluie battante. « Bienvenue à l'Eclipse !» lance Madame Lambris en me voyant. Elle doit avoir la quarantaine. Un sourire malicieux adressé à tout le monde. Ou à personne. Une frange de cheveux bruns s'arrête net au-dessus de ses yeux qui ont l'air embués. Elle passe derrière le comptoir, me tend un registre pour que je le signe. « Je ne suis pas cliente, je m'appelle Roxane, je viens travailler chez vous. »« Je sais, » dit Madame Lambris. « Ce n'est pas le registre des clients, c'est celui des saisonniers. » Elle me tend un stylo plume. « Juste ton prénom et la date d'arrivée. » C'est pour la mémoire du lieu. En même temps que je signe, je remarque dans la colonne des arrivées des prénoms écrits de manière hésitante. Comme le mien, à vrai dire. Mais dans la colonne voisine, celle des départs, les mêmes prénoms apparaissent dans des écritures rondes, déliées, avec des larmes et des cœurs. J'inscris la date. Ces larmes et ces cœurs, quelle guimauve! Je me demande où j'ai atterri. Viens, dit Madame Lambris, je vais te montrer ta chambre. La chambre où elle m'emmène est encore plus petite que la mienne à la maison. Le plafond descend en diagonale et à peine je fais un pas à l'intérieur que je me cogne dessus. Aïe. C'est la plus petite chambre de l'hôtel, observe Madame Lambris. Elle plaît beaucoup aux saisonniers parce que... Elle donne sur la mer. Bonjour la vue. Pour apercevoir un coin du port, je dois me dresser sur la pointe des pieds. C'est très joli, je dis. Je vois surtout des entrepôts et des silos. Si on aime la géométrie, on peut tomber amoureux de cette ville. Tu feras attention à la lucarne. Elle s'ouvre et se referme sans crier gare. Vous avez beaucoup de clients avec toute cette pluie ? Oh, les clients, ils vont, ils viennent. L'important, c'est pas la quantité. Elle dit ça avec son sourire adressé à personne. La grisaille n'a pas l'air de la chiffonner. « Installe-toi, » dit-elle en sortant. « Je t'attends en bas dans 10 minutes. »« Oui, madame. » J'entends sa voix résonner dans le couloir. « Tu peux m'appeler Marie ?» La lucarne s'est rouverte toute seule. « Bienvenue dans le manoir hanté. » Dans le sac en craft que m'a donné Karen, le cobra, j'ai trouvé à l'intérieur de la boîte à chaussures un transistor, rouge pétard, et relié à ce transistor, des écouteurs, rouge pétard, eux aussi. Sur le boîtier, aucune marque, aucun logo, drôle de bidule. Je mets le casque sur mes oreilles et je tourne les deux seuls boutons du transistor. Deux potentiomètres gros comme ceux des amplis de guitare rock. Au bout d'un moment, j'entends la mer comme si je me trouvais sous la surface de l'eau. Je crois deviner le signal régulier d'un sonar. Quand je déplace le bidule, c'est comme si je passais d'une fréquence à une autre. Des bruits se lèvent, crépitent dans mes oreilles. Impression de remonter à la surface. Pourquoi ils m'ont confié ce machin ? Le cube m'a quand même pas envoyé ici pour écouter le bruit des vagues. Ça doit faire partie du jeu. À moi de découvrir le contenu de ma mission. Quelqu'un passe dans le couloir. Je range le transistor dans le sac en craft et je descends, l'air de rien. Les oreilles plus affûtées que d'habitude. Dès ma première journée, je prends le pli de dire Marie plutôt que Madame Lambry. Marie l'éclipse. Ses yeux sont aussi embués que ceux de Karen sont perçants. Quant à moi, je me coule dans le décor. Je remplis mes tâches de réceptionniste, serveuse, femme de chambre, veilleuse de nuit. Je m'adapte, je louvoie. Aïe ! Bref, je prends la bosse du métier d'espionne. Accroupie sur le lit, mon radeau s'envole, je note ce que j'ai vu et entendu. Je fais un rêve curieux. Quelque chose de froid et de visqueux remonte le long de ma jambe. On dirait les écailles d'un serpent. Je soulève brusquement les draps. Rien. Juste le cordon entortillé des écouteurs et l'atlas des mondes émergents. Les jours suivants... J'ai cassé une tripotée d'assiettes. La cuisine de l'éclipse est située au sous-sol, au bas d'un escalier assez raide. Je dois apprendre à le grimper avec une assiette dans chaque main. Quand je parviens à ne pas trébucher, c'est le contenu des plats qui se déverse au sol. L'omelette aux trois fromages. La poêlée de moule. La soupe de poisson. Heureusement, après 15 heures, le coup de feu est passé. Je reste un peu à l'accueil. Je fais les chambres, sauf la numéro 3. Marie est la seule à s'en occuper. Quand vient le soir, c'est plus détendu. En observant Baptiste, le cuistot qui aime s'attarder au bar, j'apprends à doser le whisky baby. 2 centilitres. Le galopin, 1/2. On the rocks, pas on the rocks, ces gestes précis qui permettent de se fondre dans le décor. En même temps, je cherche des yeux Marie et je ne la vois pas. Autour de moi, il n'y a que les piliers du bar. Les baratineurs, comme je les appelle. Plus ils boivent et plus ils se la racontent. Alors que moi qui bois pas et n'aime pas qu'on me baratine, je finis par remonter dans ma chambre. Un soir, dans l'escalier qui mène à l'étage, à l'instant où je débouche dans le couloir, j'entends quelqu'un marcher avec une canne. Depuis mon arrivée à l'éclipse, il n'y a qu'un seul client que je n'ai pas encore vu, celui de la chambre numéro 3. À croire qu'il m'évite. J'avance à tâtons sans rallumer la minuterie. Pour ne pas faire craquer les lattes, je prends mes chaussures dans mes mains. J'entends distinctement, au bout du couloir, une serrure qu'on referme et à nouveau la démarche boitillante. Je parviens à 1 mètre de la porte quand tout à coup, j'entends un gloussement de femme étouffée. Je me fige. Ce petit rire malicieux, pas de doute, c'est Marie. J'ai lâché ma godasse. Pour la discrétion, c'est raté. J'aurais pu aussi bien déclencher l'alarme incendie. Dans la chambre numéro 3, le gloussement s'est arrêté. Je ramasse ma chaussure et je rebrousse chemin. 20 mètres plus loin, je me glisse dans ma chambre. Sans perdre un instant, je sors le transistor rouge pétard. Hier, en l'examinant, j'ai remarqué que le couvercle était rétractable. Une petite antenne à 3 branches se soulève sans que vous ayez rien demandé. Un voyant s'allume et... J'entends tout à des kilomètres à la ronde. Les écouteurs collés aux oreilles. C'est comme si je m'aventurais dans le dédale des quais. Entre les hangars, les bassins, les écluses. De la pluie sur les bâches des navires. Le sel et le mazout mêlés aux embruns. Ouais ! J'entends la moindre particule qui flotte dans l'air. Le brouillard me chuchote à l'oreille. Le brouillard a une voix. Qu'est-ce qui me rend ? J'oublie ma mission. J'ai ma petite idée sur ce qu'ils m'ont mis entre les mains. Pas un transistor, mais un système d'écoute ultra perfectionné. Je préfère ne pas savoir combien coûte ce machin. Si je le bousille, je peux dire bye bye à mon salaire d'espionne. Mes muscles se tendent. Je roule ma tête sur mes épaules. Je fais craquer mes cervicales telle une athlète avant de plonger. Je m'accroupis au sol et je dirige l'antenne sur la chambre numéro 3. Vers Monsieur Mystère et Madame l'Éclipse. À force de jouer avec les potentiomètres, je devine à quoi ils servent. L'un à donner du volume, l'autre à zoomer en avant, en arrière. J'ignore si ce machin est équipé d'un enregistreur, alors je sors mon carnet, mon crayon et je tends l'oreille. Je perçois la corniche côté plage, la pétarade d'une mobilette, le match de foot retransmis dans le café d'en face. Zoom arrière pour revenir dans l'éclipse. Je suis le passe-muraille aux oreilles rouges. Distingue une voix d'homme à l'accent germanique, ou plutôt scandinave. Marie lui répond d'un ton inquiet. Je remarque qu'il se tutoie. Ils font de longues pauses. Ça me laisse le temps de noter. Elle. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que tu ne m'as pas dit ? Lui. Il y a tellement de choses. Ce qui est arrivé ces dernières semaines, personne n'aurait pu le prévoir. Elle, je veux l'entendre de ta bouche. Lui, d'une voix hésitante. D'accord, il est temps que tu saches. Mais il faut que tu comprennes. Parfois la vie n'est pas aussi simple qu'on le voudrait. Pas aussi simple. Lui, certaines choses peuvent être pénibles à dire et encore plus pénibles à entendre. Zut, il y a de la friture. La poisse pile au moment où il révèle son secret. Je secoue l'engin dans tous les sens. Quand les grésillements disparaissent, la conversation a pris fin. Ce que le boiteux a raconté à Marie, mais ça a dû lui plaire, parce qu'elle est en train de l'embrasser. Oui, il se roule un palo long comme un transatlantique. Je ne me sens plus à ma place tout à coup. J'ai l'impression d'être avec eux dans la pièce. Après un moment, j'ai éteint le bidule. Je suis peut-être une écouteuse, mais je ne suis pas une voyeuse. Le lendemain, en bon petit soldat, j'arrive à 11h au buffet de la gare. Karen le Cobra occupe la même place qu'il y a une semaine, comme si elle campait là. Ses yeux sont encore plus froids que dans mon souvenir. « Tu as le bonjour de ton oncle Hector », elle me lance. Au ton de sa voix, j'ai l'impression d'entendre « Tu as beau être pistonné par ton oncle, tu n'es qu'un rouage au sein de notre organisation. » Elle me pose un tas de questions, vérifie que je me suis montrée solide, travailleuse et discrète. Et comme je fais 3 fois « oui » de la tête, elle se met à me cuisiner sur Marie. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. Karen me pose des questions précises et moi, je reste dans le flou. Je fais l'anguille. Je slalome entre ces points d'interrogation. Comme si une petite voix me chuchotait de protéger Marie. Et le Sonovac, elle me demande. Tu t'en es servi du Sonovac? Ben, alors comme si on se trouvait dans le sous-sol du cube, j'ai droit à un stage de formation express. Le Sonovac pour les nuls. Elle me prend pour une gourde. Elle doit croire que j'ai essayé de l'allumer et comme il n'y avait pas Lady Gaga dans les écouteurs, elle pense que je l'ai remis dans le sac en craft. Au moins son laïus me permet d'apprendre le nom du bidule, Sonovac, comme un aspirateur à son. Karen confirme ce que je pensais. Le cube m'a mis le Sonovac entre les mains pour écouter à travers les cloisons. Comme je ne veux pas passer entièrement pour une idiote, je lui dis que j'ai repéré un client suspect, chambre numéro 3. J'ajoute fièrement, j'ai vérifié son nom dans le registre, il s'appelle Jean Monnier. Dis plutôt Hans Niemann, répond Karen. Alors là, ça me sidère. Elle en sait 10 fois plus que moi. À quoi je lui sers ? Elle m'apprend que ce Hans Niemann est un ingénieur venu d'un pays nordique. Il travaille pour nos services secrets, pour le cube, sur un bâtiment ancré dans le port. Les guillemets dont elle entoure le mot « bâtiment » me laissent penser que ce n'est pas un navire comme les autres. Hans loge à l'éclipse depuis 6 mois, mais passe le plus clair de son temps sur ce navire dont personne, insiste Karen en plissant ses yeux de serpent, ne doit connaître l'existence. Seulement voilà. Il y a 3 mois, les plans du navire ont été transmis au service secret nordique. Le cube en a la preuve. Pire, la transmission s'est faite depuis le navire sur lequel travaille Hans. Je croyais que les pays du Nord étaient nos amis. Dans le monde tel qu'il va, répond Karen, nos amis d'aujourd'hui sont nos ennemis de demain. Je retiens la phrase au cas où pour l'oral du concours d'espion. Pourquoi Jean ne s'appelle plus Hans ? Parce que nos services lui ont donné un alias, une nouvelle identité depuis qu'il sert les intérêts de notre patrie. Ah, il ne peut pas s'appeler Hans et servir les intérêts de notre... Mais t'es bouché ! Les services secrets nordiques le recherchent, partout. C'est un de leurs agents qui a fait défection, enfin c'est ce qu'il prétend. Comment ça ? Hans prétend avoir quitté son pays, mais il pourrait bien continuer de le servir. En douce. Un agent double. Vous en êtes sûr ? Pas tout à fait. C'est pour ça que tu es là. Personne ne se méfie d'une collégienne de 14 ans. Mais le Sonovac... Je laisse ma phrase en suspens. Je ne dis pas à Karen que j'ai cru entendre un sous-marin mouillé dans les parages. Le Sonovac a une portée de 100 mètres, explique-t-elle. Depuis ta chambre, tu peux entendre tout ce qui se passe dans celle de Hans. 100 mètres ? J'ai l'impression que le bidule est bien plus puissant que ça. Mais je ne dis rien. Je demande. Il y a un enregistreur dans le Sonovac ? Elle n'a pas l'air de l'avoir inventé, ce bidule. Elle réfléchit un moment avant de dire... Je crois pas, non. Mais peu importe. Note tout ce que tu entends et viens me raconter ça. La semaine prochaine, même heure, même endroit. Tandis qu'elle se lève, je glisse. Il est ingénieur en quoi, Hans ? Technologie d'écoute. Je me dis que le navire en question, ça pourrait bien être ce sous-marin que j'ai entendu dans mes écouteurs. Un sous-marin dans lequel Hans exerce sa profession d'ingénieur. Je demande alors. C'est en tombant que Hans s'est blessé à la jambe ? Elle esquisse un sourire. Non, ce sont ses amis d'hier qui l'ont tabassé. Ses amis d'hier ? Vous voulez dire ceux du Nord ? Ouais, lâche Karen en s'en allant. C'est des gentils. Nous, on lui aurait fait la peau. Malgré le brouhaha de la salle, j'entends mon cœur battre plus fort que d'habitude. Je le trouve pas rassurant, ce monde tel qu'il va. semaine suivante, j'ai découvert que ma première impression sur l'éclipse était la bonne. L'hôtel est un manoir hanté et le fantôme du lieu s'appelle René. René, c'est le mari de Marie, mort il y a 8 mois d'une rupture d'anévrisme. C'est une artère qui se dilate dans le cerveau et... Bref, un truc très rare et très soudain. C'est Baptiste le cuistot qui m'a raconté ça. Baptiste dit que Marie ne s'est pas remise de la mort de René. Du 14 juillet, j'accroche des lampions avec elle. Comme il pleut, sans discontinuer, on suspend les lampions dans la salle à manger. Marie est debout sur une échelle et je lui passe les clous en coinçant l'escabeau sous mon talon. De but en blanc, je lui demande pourquoi son hôtel s'appelle l'Éclipse. Elle a l'air perdue tout à coup. Je précise ma question. C'est une éclipse de soleil ou une éclipse de lune ? Aucune idée, elle répond. L'hôtel s'appelait comme ça quand mon mari l'a racheté, elle ajoute d'un ton pensif. Je baisse la tête, un peu gênée de lui avoir rappelé ce souvenir. Marie donne 2 coups brefs sur un clou. Comme elle cesse de taper, je lève les yeux. Elle fixe le vide en tenant le marteau le long de sa jambe. Je l'entends murmurer. Maintenant, c'est l'éclipse de mon cœur. L'éclipse de mon cœur. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? Pour moi, les garçons, c'est juste des morts de faim. D'ailleurs, c'est bien connu, les espions ne doivent jamais tomber amoureux. Le soir, vous vous couchez avec un sourire jusqu'aux oreilles et le matin, vous vous réveillez dans une geôle à Moscou en réalisant que votre amoureux était un agent du Kremlin. L'amour, très peu pour moi. Mais pour Marie... Marie a 2 amours. Son fantôme de René et Hans le boiteux. Je l'ai compris quand elle m'a parlé de l'Orfeo. C'est un opéra qui passait à la radio le 14 juillet. Après la fête, quand les quelques clients sont remontés dans leur chambre, on est restés, Marie et moi, boire du pétillant de sureau. Les airs d'opéra nous parvenaient comme un fredonnement au loin. Marie était pompette ! Et moi, gaie, juste ce qu'il faut. Le pétillant, ça peut se boire dès 14 ans, c'est un alcool de fille. C'est là que Marie m'a raconté la légende d'Orphée. Orphée descend aux enfers avec sa lyre. Il en joue tellement bien de sa lyre que les dieux lui donnent le droit de repartir avec sa fiancée, Eurydice. Elle s'était fait mordre par un serpent. Les dieux libèrent Eurydice, mais à une condition. Orphée, en remontant avec elle, n'a pas le droit de se retourner ni de revenir sur ses pas. Et comme Orphée veut s'assurer que Eurydice remonte avec lui, comme il ne peut s'empêcher de regarder par-dessus son épaule, il perd à nouveau sa fiancée. C'est beau, c'est triste et bête à la fois, observe Marie. Qu'est-ce qui est bête ? Je demande. Elle vide son verre et dit. Notre besoin de nous retourner. Le doute. La crainte du qu'en dira-t-on. Je l'ai regardée sans savoir quoi dire. Ses yeux s'étaient emplis de larmes. J'ai posé mon verre et je lui ai pris la main. Elle a poussé un soupir. Si j'avais eu un enfant, elle a dit en me serrant les doigts, si j'avais eu une fille, je l'aurais appelée Roxane. Marie, elle a le cœur comme un fragment de glace à la dérive qui essaie de se réchauffer en touchant le rivage. Les larmes me sont montées aux yeux, à moi aussi. Je n'osais pas lui dire que Roxane, c'est même pas mon vrai nom. Le matin du 15 juillet. Marie s'étant absentée, je reçois la visite d'un homme en civil accompagné d'un policier en uniforme. J'attends. Il me demande si Madame Lambry a du nouveau au sujet de Potel et Chabot, les clients qui ont disparu ces dernières semaines. Mais je réponds que je ne suis pas au courant. À ce moment, l'homme en civil, sans doute un inspecteur, se met à me regarder bizarrement. Vous êtes un peu jeune, non, pour être à l'accueil ? Marie revient à cet instant et les foudroie du regard. Je l'entends dire que c'est plutôt eux qui devraient avoir des nouvelles. Et s'ils n'en ont pas, qu'ils aillent faire leur ronde dans les quartiers chauds plutôt que dans un établissement respectable. Bravo, bravo. Carrément ! Elle mâche pas ses mots, Marie. Les flics s'en vont sans demander leur reste. Un peu comme le fantôme de René dans l'éclipse, les noms de Potel et Chabot, les deux clients disparus, ont commencé à me hanter. Un jour, mon oncle Hector m'a expliqué que les espions trouvaient leur faux nom dans le bottin mondain. Potel et Chabot, ça m'a tout de suite fait penser à un traiteur ou à une marque de champagne. Et si les clients disparus étaient des espions du cube? Si quelqu'un dans cet hôtel s'était arrangé pour les faire disparaître? Quelqu'un qui en aurait gros sur la conscience? Quelqu'un qui logerait dans la chambre numéro 3? Le soir, peu avant minuit, je redescends à l'accueil et je consulte le registre des clients. Je remonte en arrière de quelques mois. Potel a pris la chambre numéro 2 en avril. Chabot, la chambre numéro 4 en juin. Le premier a disparu après 3 jours, le second au bout d'une semaine. Marie m'a raconté que dans les deux cas, des hommes en costume cravate, aux cheveux coupés courts, sont venus récupérer les valises. Pertillon et Laduré, ils prétendaient s'appeler. Ça me rassure pas de penser qu'il y a eu 2 espions du cube dans cet hôtel avant moi, qu'ils ont pris des chambres mitoyennes de la chambre numéro 3 et qu'ils ont disparu dans la foulée. Un dicton anglais dit « La curiosité a tué le chat ». Elle a aussi tué pas mal d'espions. Serais-je le 3e sur la liste ? J'étais en train de me dire ça quand j'ai entendu la canne de Hans le boiteux. Je lève les yeux de mon écran. Il entre par la porte principale et s'avance vers le comptoir. C'est un petit homme pâle, aux joues creuses, au front dégarni. Derrière ses lunettes, à monture d'écaille, des yeux vifs, inquiets, regarde à chaque clignement dans une nouvelle direction. Il m'adresse un bonsoir. Ouais. Son accent est à peine perceptible. Et là, face à lui, je m'aperçois que je me suis mise à trembler. À cet instant, je prends conscience qu'il est peut-être armé. Armé, et moi non. Mais aussitôt après m'avoir salué, le voilà qui s'éloigne, sans demander sa clé. Il ne la laisse jamais sur le comptoir. Seul Marie a un double. Qu'il a liquidé deux espions du cube. Je me rappelle les mots de Marie sur la crainte du « qu'en dira-t-on ? » Qu'en diront-ils ? Ses amis, ses collègues, ses clients, s'ils apprennent qu'elle aime un agent double, un traître et un meurtrier. Elle qui se veut si respectable. Et moi qui essaye de détourner les soupçons de Karen. Si ça se trouve, Marie n'ignore rien et garde le silence. Si ça se trouve, elle préfère trahir sa patrie plutôt que son amour pour Hans. Pour en avoir le cœur net, je regagne ma chambre et je branche le sonovac. Je le braque sur la chambre numéro 3, juste à temps pour entendre. D'accord, il est temps que tu saches. Mais il faut que tu comprennes. Parfois, la vie n'est pas aussi simple qu'on le voudrait. Certaines choses peuvent être pénibles à dire. Et encore plus pénibles à entendre. Mais je peux pas le croire. Chaque fois que je les écoute, c'est la même conversation, les mêmes non-dits, les mêmes mystères. Alors comme je n'ai rien à espionner, je tourne le sonovac vers le même point à l'horizon. Entre deux portiques géants, un bassin reflète la lune. Depuis 8 jours, chaque soir, à la même heure, j'écoute les sons qui proviennent du bassin. Ou plus exactement, du sous-marin amarré dans le bassin. Ce navire, c'est un sonovac géant. Les antennes sont braquées vers les pays nordiques. Depuis le chantier naval où il attend de prendre la mer, d'aller raser les côtes pour aspirer toutes les communications du nord, ce sous-marin, jour après jour, à mes oreilles rouges. Je peux entendre les sons diffusés dans le poste d'écoute du sous-marin et les paroles chuchotées par les officiers. Celle en particulier d'un certain Lalouche, le lieutenant du navire. Il se méfie de Hans et ne perd pas une occasion de le faire savoir. Il dit que dès que le système d'écoute sera au point, dès qu'on n'aura plus besoin de Hans, il faudra le sacrifier. C'est pas joli, dit le lieutenant Lalouche. Mais il faudra me sacrifier. Sacrifier Hans. Je ne sais plus de qui je dois avoir peur. De Karen, de Hans ou du lieutenant dans le sous-marin. Dans ma petite chambre qui donne sur l'océan, je reste immobile avec mes écouteurs. La lucarne s'ouvre. Et le souffle du vent apaise mon angoisse. Le souffle du vent est dans mes oreilles. La banquise en train de se former. J'ai fini par comprendre que les bruits étranges captés par le sous-marin, c'était ça, et pas autre chose. Un continent de glace en train de se former. Entendre les glaciers de la mer du Nord, ça fait le désespoir des espions dans le sous-marin. Ils s'en moquent bien, eux, d'écouter la banquise. Mais rien à faire. C'est ce qu'ils captent, jour après jour. Et ce que j'entends, moi, grâce au sonovac, que je laisse brancher sur leur poste d'écoute. En écoutant les cristaux se former au loin, je ne me sens plus parano comme eux. Depuis mon arrivée à l'éclipse, j'ai l'impression qu'une lucarne s'est ouverte dans mon esprit. L'horizon devant moi semble s'étendre encore. Il s'étend un peu plus chaque jour, jusqu'à l'infini. Je n'ai plus envie d'être espionne. J'enlève mes oreilles rouges, je pose le sonovac au pied du lit. 10 minutes après, je m'élance à vélo dans le port. Je trace sans regarder derrière moi, sans craindre les façades obscures des conteneurs empilés. J'avale à grosses goulées l'air frais de ce mois de juillet et je laisse échapper des rires de joie, maintenant que je ne me sens plus parano. Marie a le droit d'aimer son boiteux et moi de préférer la banquise au secret d'État. La vie est trop brève pour n'avoir confiance en personne, trop brève pour s'user à des conspirations. Si j'étais avec eux dans le sous-marin, je leur révélerais ce qu'ils risquent d'ignorer toute leur vie. Il y a plus de secrets à découvrir dans un fragment de glace à la dérive que dans les coffres-forts de tous vos ennemis réunis. Et juste quand je me dis ça, ma roue avant percute la chenille d'un monte-charge qui traîne sur le port. Je pique droit dans un bassin. D'après, je me débats dans l'eau glacée, saisie de froid et de terreur. Mes bras s'agitent frénétiquement. Mes pieds s'enfoncent dans quelque chose de mou, quelque chose qui pivote en dessous de moi, remonte lentement à la surface et je découvre, horrifié, sous un pâle rayon de lune, la figure blanche et mauve d'un noyé qui surgit. Mon séjour à l'éclipse aurait pu se terminer là, et moi finir ma course en Eurydice version zone industrielle. Mais je suis remontée à la surface. 2 côtes fêlées en souvenir de la baignade, pas de quoi en faire un opéra. C'est curieux. Mais quand le lendemain, au buffet de la gare, je me suis assise devant Karen, j'ai eu l'impression qu'elle me respectait un peu plus. Il faut dire que j'étais tombée à vélo sur son collègue qu'on recherchait depuis un mois. Ouais, c'était Chabot dans le bassin. L'espion envoyé par le cube. Par chance, dans la poche de Chabot, on a trouvé un appareil plein à craquer de photos du traître. Pas Hans, le boiteux, comme il le soupçonnait, mais le lieutenant du sous-marin, ce sinistre Lalouche, qui était si pressé de sacrifier l'amoureux de Marie. C'était lui qui revendait nos secrets au pays du Nord. Chabot et sans doute aussi Potel, paix à leurs âmes, avaient repéré le lieutenant du sous-marin. Mais avant qu'ils aient le temps de prévenir le cube, Lalouche leur a réglé leur compte. Si ça se trouve, Potel, l'espion dont on n'a pas retrouvé le corps, dérive en ce moment vers les mers glacées. Quant à la conversation de la chambre numéro 3, celle qui se répétait tous les soirs à l'identique, j'ai appris plus tard que c'était un enregistrement fabriqué par Hans et Marie à partir d'un feuilleton diffusé à la télé. Les barbecues du désir. Ou un truc dans le genre. Hans a l'esprit taquin. Il se doutait que le cube le soupçonnait d'être un agent double et qu'un de leurs hommes devait le surveiller à distance. J'aimerais pouvoir dire que tout s'est fini autour d'une bouteille de pétillant de sureau, mais j'ai eu la mauvaise idée d'aller frapper, pas honteuse du tout, à la porte de la chambre numéro 3 pour tout leur raconter. Le piston de l'oncle Hector, ma mission à l'éclipse et le sonovac que je prenais évidemment soin d'éteindre au premier bruissement de salive. Ça les a pas vraiment attendris. La première claque, c'est Marie qui me l'a donnée. La seconde, ce fut Hans. En ressortant de la pièce, mes joues étaient toutes rouges, et pas seulement à cause de leur taloche. J'avais trahi mon amie, Marie, qui avait placé sa confiance en moi. Marie, qui m'avait donné la meilleure chambre, celle avec la lucarne. Ils m'ont quand même invitée à leur mariage, célébré 2 mois après, fin septembre. La lumière était différente. Je suis arrivée chargée de fleurs blanches. Je n'avais pas eu assez de 3 tendeurs pour les faire tenir sur mon vélo. Marie m'avait réservé la petite chambre. Au pied du lit, Hans avait déposé un cadeau. Un sonovac flambant neuf. Pareil à celui que j'avais dû restituer au cube avant d'être radié de leur liste de futurs espions. Je me suis assise sur le lit et j'ai posé les écouteurs sur mes oreilles. Très vite, en guise de bienvenue, la lucarne s'est ouverte. Je suis restée comme ça, un long temps, sans allumer le sonovac. Depuis la salle de bal de l'éclipse, j'entendais monter la musique, un hip-hop assourdi par le molleton du casque. J'ai pressé les oreillettes sur mes tempes. Je ne voulais rien écouter d'autre que le plus beau son du monde. Le silence. Enregistré en public le 30 janvier 2015 au Théâtre du Quartz à Brest, dans le cadre du festival Longueur d'onde et en partenariat avec la SACD. Vous venez d'écouter Les oreilles rouges de Stéphane Michaka. Avec Suliane Brahim de la Comédie Française, bruitage Bertrand Amiel. Production Chloé Mauduit, Dominique Allard, conseillère littéraire Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage Bastien Varigaud et Bernard Quentin. Merci à l'équipe technique du Quartz. This immense, who would I- la réalisation Lise-Marie Barré, réalisation Claude Guerre.